Friedrich Hölderlin, en bleuité adorable, traduit de l'allemand par Gérard Signoret. En bleuité adorable, fleurit avec le toit de métal le clocher. Aussi autour, clameur des hirondelles, autour la plus touchante bleuité. Le soleil va très haut au-dessus et colore la tôle, mais dans le vent là-haut, calme, crie la girouette, quand un alors sous la cloche descend, ces marches-là, c'est une vie calme, car quand la forme est à tel point détachée, ressort alors l'image solitude de l'homme. Les fenêtres d'où les cloches tintent sont en beauté comme des portes, c'est qu'elles sont encore selon la nature, les portes. Elles ont la ressemblance des arbres de la forêt. Mais pureté est aussi beauté. Dedans du dissemblable surgit un esprit droit. Mais si simples les images, si saintes, qu'on craint souvent vraiment de les décrire. Mais les célestes, qui sont toujours bons, tout en même temps, comme royaux, ont eux, rigueur et joie, l'homme peut en prendre mesure. Peut-il, quand ne sonne plus que peine, la vie, un homme, regarder en haut et dire « Ainsi je veux être ». Oui, tant que dure au cœur encore l'amical, le pur, non malheureux, se mesure l'homme, avec la déité, est inconnu Dieu? Est-il évident, comme le ciel? Je crois cela plutôt. C'est la mesure de l'homme. Plein de mérite, mais poétiquement habite l'homme sur cette terre, mais l'ombre de la nuit avec les étoiles n'est pas plus pure, si je puis ainsi dire, que l'homme, qui s'appelle une image de la déité. Est-il sur terre une mesure? Il n'en est aucune. C'est que cela, jamais, les mondes du Créateur n'a entravé la marche du tonnerre. Une fleur même est belle, parce qu'elle fleurit sous le soleil. Il trouve l'œil, souvent dans la vie, des êtres qu'il serait encore beaucoup plus beau de je le sais que bien les fleurs, car de saigner forme et cœur et entier, de ne plus être, cela plaît-il à Dieu. Mais l'âme, comme je crois, doit demeurer pure. Sinon l'aigle, sur des ailes, atteint la puissance, avec chant de louange et la voix de tant d'oiseaux. C'est l'essence, c'est la forme. Toi, beau petit ruisseau, tu sembles touchant à rouler si clair, comme l'œil de la déité, par la voie lactée. Je te connais bien, mais des larmes jaillissent de l'œil. Je vois une vie limpide dans les formes de la création me fleurir autour, car conforme je la compare aux colombes, seule parmi les tombes. Mais le rire semble m'affliger des hommes, car j'ai un cœur. Voudrais-je être une comète? Je crois, car elles ont la célérité des oiseaux, elles fleurissent en feu, et sont en pureté comme des enfants. Souhaiter un plus grand, la nature de l'homme ne peut s'y mesurer. De la rigueur, la limpidité mérite aussi d'être louée par l'esprit droit qui, entre les trois colonnes, souffle du jardin. Une belle jeune fille doit couronner sa tête de fleurs de myrte parce qu'elle est simple, par son essence et sentiment. Mais il y a des myrtes en Grèce. quand un voit dans le miroir un homme et voit dedans son image, comme dépeinte, c'est semblable à l'homme. L'image de l'homme a des yeux, la lune par contre de la lumière. Le roi Œdipe a un œil en trop, peut-être. Ces douleurs de cet homme, elles semblent indescriptibles, imprononçables, inexprimables. Quand le drame monstre une telle chose, alors la voici. Mais comment est-ce de moi que j'ai pensé du tien maintenant? Comme des ruisseaux me tirent là-bas la fin de quelque chose qui se déploie comme l'Asie, cette douleur, bien sûr, il l'a, Œdipe, c'est de cela, bien sûr, Hercule aussi a-t-il souffert? Certes, les Dioscures dans leur amitié n'ont-ils pas, eux aussi, porté douleur? C'est que, comme Hercule, combattre avec Dieu, cela est douleur. Et l'immortalité dans l'envie de cette vie, la partager, est aussi une douleur. Mais c'est une douleur aussi, quand est couvert de taches d'été un homme, de maintes taches, être entièrement recouvert. Le beau soleil fait cela, c'est qu'il tire tout vers soi. Les jeunes, la voix les guide avec les piqûres de ses rayons comme avec des roses. Ses douleurs semblent ainsi qu'Œdipe a porté, comme un pauvre homme, se plaint que quelque chose lui manque. Fils de Laios, pauvre étranger en Grèce, vie est mort, et mort est aussi une vie.